ce que tu souhaiterais que ta carrière prenne comme, comme tournant? Est-ce que tu te souhaites des... Oui, j'aimerais bien... Oui, ben, j'aimerais bien qu'elle prenne plus d'ampleur. J'aimerais bien que les gens aient plus accès à ce que je fais et plus la connaissance du fait que j'existe. Et, mais on ne te voit pas souvent sur les plateaux de télé? Non, je suis assez ignorée des médias. Pourquoi? C'est à eux qu'il faut poser la question, c'est eux qui m'invitent pas, c'est pas moi qui veux pas mais, y aller. Non, mais on t'entend souvent toujours sur les mêmes chaînes, la France Inter et tout ça. Ouais, aux mêmes heures, à 1h du matin. le jour aussi, certaines émissions. Ouais, et Philippe Meyer me passe. Oui. Mais ça reste très ponctuel, si tu veux, je... Alors, éventuellement, tu aimerais que les médias s'intéressent à ce que tu fais et... Oui, ou pas forcément, d'ailleurs, parce qu'on peut très bien s'en passer vivre aussi. Vivre du côté underground. Oui, j'aimerais bien m'ouvrir et toucher un plus grand nombre de monde. Et ça te permet quand même de voyager un peu partout dans la francophonie? Oui, et puis dans le monde, hein? Oui, dans le Pérou. Mais oui, Pérou, c'est... Est-ce que c'est un bon stress, le fait de t'y rendre au Pérou? Est-ce que tu te dis, je sais pas comment je vais être vu? Ça m'amuse. Ça me galvanise. Est-ce que c'est des grandes salles, des salles de combien? Je ne sais pas du tout. Ah. Alors, ton impresario, t'en as pas parlé, ton tourneur? Non, je crois qu'ils en ont même pas la moindre idée. J'y vais, puis voilà. On verra bien. C'est ça qui est drôle en même temps. Ben, c'est l'aventure. C'est l'aventure. L'aventure. Et donc, tranquillement... Oh oui, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que tu prépares un album spectacle? Un album spectacle? Oui, en fait, un CD sur lequel on pourrait t'entendre en spectacle. Ah, un live? Un album spectacle. Écoute, oui. je suis en train d'écrire mon cinquième album. Je suis aussi en train... Mais le dernier est sorti il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Non, mais j'ai commencé déjà, j'ai déjà fait 4 chansons du prochain. Est-ce que tu écris musique... Toujours les textes d'abord. Okay. À une exception près sur le dernier album SDF Tango, où c'est Didier Lockwood qui m'a composé la musique. Et, c'est quand même une grosse pointure, Didier Lockwood. Oui, tu m'étonnes. Et j'ai écrit sur cette musique, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Sinon, je travaille toujours le texte d'abord. Est-ce que c'est Didier qui est venu te voir ou... On s'est rencontrés. On s'est rencontrés, puis il m'a proposé, et évidemment, j'ai dit oui. C'est incroyable. C'est un monstre qui a travaillé avec Kijlin, avec plein de monde. Avec tout le monde. C'est Magma. C'est l'homme orchestre. Ouais. C'est l'homme orchestre. Est-ce que tu t'es senti flatté? Ah bah, carrément, oui. C'est... Lundi, c'est presque un jour de chance. Y a du soleil dans mon café. Même le bonheur est en avance. Et tu m'aimes au petit déjeuner. Mais t'as les yeux plus grands que le cœur. Alors tant pis si c'est meilleur. Et si c'est un malentendu. Et si dès le mardi matin, on s'aime déjà bien au-dessus. Bien au-dessus de tes moyens. Panique à bord, ça va trop vite. Mais tout le plaisir est dans la fuite. Mon presque amour. Toi, tu voudrais qu'on reste amis. Mais t'es déjà l'ex de ma vie. Trop peu de temps, le jour se lève et ça ressemble à mercredi. Être encore la femme de tes rêves, mais déjà plus seule de ta vie. C'est clair et net et sans bavure. Toi, tu viens lécher mes blessures. Quelques minutes avant minuit, on s'est fait mal, on s'habitue. Voilà jeudi et demi. Et je ne suis plus ce qui t'a plu. Alors il fallait s'y attendre. On se connaît sur le bout de la langue, mon presque amour. Toi tu voudrais qu'on reste amis, mais t'es déjà l'ex de ma vie. Quand on s'aime plus mais qu'on s'adore, c'est qu'on est surtout vendredi. L'amour est mort, il a eu tort. On a laissé tomber la pluie. Fallait tenir sur la longueur. Des fois c'est con comme le bonheur. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des jours avec et des nuits sans. J'ai cru qu'on se faisait l'amour alors qu'on se faisait semblant. Les jeux sont faits pour deux losers. Comment j'ai fait pour te faire peur, mon presque amour? Toi, tu voudrais qu'on reste amis, mais t'es déjà l'ex de ma vie. Thank you. Samedi, retour à l'envoyeur. On s'est laissé mourir de rire. Et tu me prends déjà par cœur. Mais c'est pas grave, c'est juste pire. Après tout, comme ça, j'ai compris. Et puis surtout, ce que la vie. Alors tant mieux si ça fait mal. Et si j'ai l'amour isolé, avec un cœur de pierre tombale, comme un chien perdu sans collier, rien à foutre et rien à pleurer. Si c'est mon rire qui te plaisait, mon presque mot. Toi tu voudrais qu'on reste amis, mais t'es déjà l'ex de ma vie. Alors, dimanche, ça va si vite, voilà qu'il pleut sur mes croissants. Quand on est quitte, qu'on se quitte, on s'est perdu, donnant, donnant. Car à la fin de la semaine, c'est pas celui qui dit qui aime. Et tu t'enfuis, mais tu t'en fous. Ainsi sois-tu, tout est foutu. Toi t'es parti, Dieu seul sait où. Mais Dieu et moi, on se cause plus. Et lundi, j'ai enfin compris ce que tu ne m'as jamais dit. Mon presque amour. Toi, tu voulais qu'on reste amis. T'étais déjà l'ex de ma vie. Tu voulais qu'on reste amis. T'es resté l'ex. Je me suis sentie flattée de la même manière que quand Anne Sylvestre est venue me voir la première fois, ça a été la première qui s'est intéressée à moi en me disant que c'est magnifique ce que tu fais, tiens je te prends en première partie pour mon disque Partage des eaux, c'était oui, le disque qu'elle venait de sortir à l'époque. Et oui, bien sûr, quand t'es un artiste comme ça, je me suis sentie flattée de la même manière que quand j'ai proposé le duo avec Grand Corps Malade et il a été emballé. Oui, oh non, je m'en occupe. Merci. Merci. Grand Corps Malade, oui. Oui, lui aussi fait son petit bonhomme de chemin. Ah bah carrément, oui. Oui, et puis il est vraiment aimé au Québec. Mais surtout, ça amène une nouvelle musique, le slam. Bien sûr. C'est vraiment... Et ben, en fait, c'est une reconnaissance auprès de tes pairs. Ah ben complètement, oui. Même si les médias te boudent un peu, les autres te reconnaissent et ben, c'est merveilleux. C'est super. Mais éventuellement, c'est ça. Tu me disais que tu avais 4 titres préparés et il le reste tranquillement, peut-être en revenant du Pérou, tu seras... Oui, j'ai 4 titres de fait, puis j'ai commencé 2 livres à écrire. Voilà, enfin, tu vois, je suis en pleine activité d'écriture. Ah ben, c'est un été assez chargé. Carrément. Oui, et donc, ce qu'on peut te souhaiter, c'est, comme on dit chez nous, une bonne traversée, une bonne... Déjà que mes avions ne s'écrasent pas. Ben, non, voilà ben, ce qu'on peut me souhaiter. Mais je crois qu'ils ne sont pas refaits avec des autobus, donc c'est des avions vraiment faits pour voler, pas pour... Alors, merci d'avoir collaboré à mon émission et je te souhaite un succès bœuf au Pérou. Eh bien, merci. Et puis, ben, on se retrouve incessamment. Et donc, nous, à CKRL, on te diffuse régulièrement. On est une radio qui est communautaire. Oui, je connais. Je suis souvent venue à CKRL. Ah, ben voilà. Donc, tu fais partie de nos chouchous CKRL. Ah, ben, c'est gentil. Mais c'est vrai, quand j'ai dit aux gens de CKRL que j'allais te rencontrer, ah, mais ben, c'est bien. Alors, donc, je suis heureux d'avoir fait cette rencontre ici à Paris. C'est mieux qu'à Montréal ou à Québec. Ah, ben ça dépend. C'est plus exotique pour toi, mais pas pour moi. Oh non, ben c'est moi, ouais, effectivement, mais pour l'émission. Tiens, dans les duos, d'ailleurs, puisqu'on parlait de duos il y a 2 secondes, j'ai fait aussi un super beau duo avec Stéphane Côté sur une chanson de Stéphane Côté. Oui. Les rendez-vous. OK. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Ben écoute, alors on se retrouve à Québec ou à Montréal. Eh ben écoute, je pense que j'y retourne cet hiver. OK. Je sais pas encore. Si c'est en janvier, février, mais en tout cas, je crois que je reviens cet hiver. En tournée? Comme tous les ans. Oui, en tournée. OK, pour faire des salles avec ta pianiste. Non, avec Steve Normand. OK, juste Steve et toi. Ça, on verra, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Steve. Ben, au moins un musicien. Et toi, est-ce que sur scène, tu te prêtes à jouer non. Ou au contraire, tu te concentres sur... Non, moi, j'estime que mes instruments sont mon corps, mon visage. Et mon micro. Et ton? Et mon micro. Et ton micro et ta voix? Et oui, bien et sûr, voix, et ma voix. Okay. Oui. Mais voilà, je préfère jouer de l'émotion et de la présence plutôt que d'un instrument. Ah ben, c'est très bien dit. Alors donc, oh, c'est merveilleux, l'autobus. On se souhaite une rencontre au Québec, à Québec. Et puis, ben, tu repasseras à CKRL. Hein? J'espère. Ben oui, ben écoute, on va frapper à ta porte. Salut. Ciao, ciao. Bye. Pouf, pouf, Aspartame, J'ai dû prendre au moins 100 grammes pour les ratatam, aspartame. Avant j'étais comme Marilyn, belle comme un camion de citerne, mais je faisais craquer que mes jeans. Alors pour être une femme moderne, leçon numéro 1, surtout on se prive de rien, à part le pain, le riz, les pâtes, le saucisson, l'apéro, le chocolat, puis les patates, le fromage et les gâteaux. Je bug, je clive et je somatise 0% de matière grise. Y'a pas que le régime dans la vie, mais les algues à la vapeur et l'orgie de courgettes bouillies, c'est la recette du bonheur. Et là c'est cuit qui le cru. On aime le gâteau de laitue, c'est tellement bon d'être maso quand on veut se faire du bien. Moi pour maigrir là où il faut, c'est-à-dire pas seulement des seins, je bug, je clive et je somatise 0% de matière grise. Pourtant j'ai beau me surveiller, j'y peux rien si le plaisir se dépravé, dévergondé, ou alors ça fait grossir. Vive les bonnes résolutions, plus c'est mauvais, plus c'est bon. Seulement voilà, faut pas craquer, parce que sinon bababoum. Le pire est si vite arrivé, avec la tarte au loukoum. Je bug, je clive et je somatise 0% de matière grise. Alors forcément c'est fatal, vent de panique chez les gonzesses, depuis que la femme idéale n'a plus du tout ni seins ni fesses. Grosse parano dans l'assiette, il faut se mettre à la diète. Moi j'ai fumé la saccharine, je me shoote aux oméga 3. J'ai du tofu plein les narines et je me pique au lait de soja. Je bug, je clive et je somatise 0% de matière grise. Et là, la crise de boulimie. Dès qu'on a